Quelle drôle d'idée, ce Manhunt 2 sur Wii. D'abord, la révolution Nintendo a une image plutôt casual et family friendly, même si certaines pépites comme Mad World ou No More Heroes cassent un peu cet a priori avec brio. Ensuite, Manhunt 2 est un peu ce que l'on pourrait appeler une bonne grosse tache sur le pourtant classieux CV de Rockstar. Autant j'aime beaucoup le premier, qui mêle ambiance à la Carpenter, violence extrême et thématique forte, la chasse à l'homme, on fait difficilement prenant, avec des mécaniques grossières mais efficaces. Autant le second n'a gardé que le gameplay. Visuellement, c'est très moche, soyons honnêtes, et les mises à mort sont censurées d'une manière tellement dégueulasse que l'on pourrait croire que le jeu a été saboté. Le pitch, se voulant plus malin que le premier, est simplement hors sol, alambiqué plus que de raison et tordu comme l'esprit de notre avatar, il ne m'a jamais accroché autant que celui de son aîné. Quant au gameplay adapté à la Wii, que dire sinon que c'est aussi loupé que de mauvais goût. Franchement, vous vous imaginez mimer les exécutions Wiimote et Nunchuk en main? Le tout devant un écran saturé et baveux plus que de raison? Non mais soyons sérieux, il s'agit du plus mauvais portage, du plus mauvais jeu, sur le plus mauvais support avec le plus mauvais gameplay.